Laisse-moi te dire que tout est dépassé. N'essaie pas de partir sans avoir tout dépensé. T'aimais pas dans la mire si tu veux décoller. Sèche-les découvrir dans le sel de rosée. Un peu d'eau, un peu d'air, du feu dans un creuset. Dans la rose, un mystère, surtout pas le chercher. Et marcher sur la terre, ne jamais s'arrêter. Dans la matière première, les étoiles vont poster. Porter ou t'emmener.